personnes sans vacances. Vous avez entendu parler? Non. Mais pourquoi c'est Médecins sans frontières? Médecins du monde. Voilà, parce que c'est vraiment international, c'est des constructeurs. Mais vous êtes belge. Voilà, ici c'est 600 Belges, tous des bénévoles, donc des spécialistes dans le domaine, qui ne prennent pas du tout de vacances et qui vont en Afrique pour faire trois choses. Ils font des dons de matériel, ils soignent les patients qu'ils trouvent sur place, mais le plus important, ils forment leur homologue africain. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'ils le forment alors que ce sont des médecins infirmiers également? C'est vraiment parce qu'en Afrique, il y a déjà très peu de médecins, et ces peu de médecins sont beaucoup plus des généralistes. Je vois, vous mettez des verres. En Afrique, vous aurez des problèmes, simplement pourquoi? Parce que vous avez très peu d'ophtalmologues. Le généraliste ne sait pas vous prescrire des verres qui correspondent à votre difficulté. Vous voyez, c'est la même chose, cette petite fille, ça c'est une kiné, vous voyez, elle prend soin de cette fille, en même temps elle forme son homologue africain. Ici c'est une opération chirurgicale, vous voyez, c'est fait par nos médecins qui sont assistés par leurs homologues locaux, simplement pour voir, pour qu'une fois rentrés, eux, ils puissent continuer à prendre soin des populations locales. Donc par an, c'est 150 missions que nous effectuons. C'est 900 médecins africains que nous formons à quitter de généralistes à spécialistes dans un domaine. Le plus important, ils arrivent à traiter 9000 patients par an et à faire 4500 opérations chirurgicales, toutes spécialités confondues. Vous pensez que c'est bien ou pas, monsieur? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut continuer ces actions alors? Oui. Vous êtes prêt à apporter votre contribution quand on continue la formation alors? Non, je vais y réfléchir. Vous avez un site web où je peux... C'est medecinssansvacances.be. Vous avez une carte ou quoi? Malheureusement, non. Ok, mais je vais regarder et je peux souscrire sur le site. Malheureusement, non. Vous voyez, on prépare ceci, mais voilà ce que je vous propose. Oui. Si vous pensez que ce que nous faisons, c'est bien, on le remplit, mais on ne met pas le numéro de compte. Comme ça, vous avez le temps d'aller sur le site. Vous voyez, parce que je vais vous remettre une copie. Là, je vous appelle ce soir ou demain, selon que vous le souhaitez. Et si vous pensez que ce qu'on fait, c'est bien, là, on le complète. Je vais y réfléchir. Mais ça me semble bien, en tout cas. D'accord. Ok, merci. Bonne continuation. Ouais.